Oui, maintenant, est-ce qu'il y a une autre d'intégration biologique? Mais c'est une continuité au plan biologique. Il y a une continuité du plan biologique. Moi, j'aime pas ça parler de ça parce que c'est la même question qui revient. Bon, ça intéresse certaines personnes. Bon, on continue. Mais c'est bon que tu t'habitues à pouvoir entendre n'importe quoi. Parce que tout est important. C'est difficile à l'homme de comprendre tant qu'il n'est pas dans l'intelligence et la volonté et qu'il n'a pas appris à haïr. C'est difficile pour lui de comprendre l'ingérence dans le monde matériel des forces invisibles. Ça, c'est vibratoire, ça, la perception de ça. C'est pour ça que, étant vibratoire, éventuellement, il vient un point que l'intelligence et la volonté se combinent pour créer de la haine. Et cette haine-là, elle est très précise. Très précise. Pas émotif, tout à l'heure. Très. Quand il est là, il y a tellement de force dedans que ça peut pas ne pas se faire. Ouais. Il y a l'exemple qu'on vit, qu'on a vécu avec toi, Léonard. C'est quand tu cries, c'est de la haine qui te dégage de nous autres pour être capable de. Du coup, je te dis à toi, je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, ce que je vois, je viens de voir, c'est comme si tu cries pour faire un espace. Pour nous quitter, pour être capable d'être, toi, parlant à nous autres, d'un autre clan que pogné par nous autres. Parce que c'est fatiguant, ta barouette, énergétiquement, nous parlons. C'est pour nous dissocier de notre propre monde. C'est pour vous transmettre un petit peu de haine. Je peux pas vous transmettre trop de haine, parce que si vous transmettrez trop de haine, là, vous me haïriez avec vos sentiments. Uh-huh. Ouais. Comprends-tu? Ça sera trop. Mais la haine, c'est précis comme ça. Ouais. C'est la colère, donc. Ça ressemble à la colère. La colère. Elle produit un choc vibratoire. Précis. La haine, c'est beau. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait que j'aime bien Maurice Bessette. Que ceux qui me connaissent. Je le rencontre des fois et je haïs sa spiritualité. Je le haïs, sa spiritualité. Puis lui, il en souffre de sa spiritualité et je le haïs, sa spiritualité. J'aime bien l'homme et je haïs sa spiritualité. Je me sers des deux énergies en même temps. C'est ça, c'est que tu aimes. Tu n'en veux pas à l'homme, tu en veux à sa condition. La condition. Puis si on n'était pas des hommes, si on n'était pas venus sur le plan matériel, on n'aurait pas cette volonté-là de pouvoir. Vous n'auriez pas cette volonté-là de. Ben, je ne fais pas de coup, mais on n'aurait pas cette volonté-là de. Pouvoir te servir de cette volonté-là. Ça prend une instruction. C'est la compatibilité, ça. C'est ça le... prend une instruction. Faut que quelqu'un la connaisse, la vive. Puis ensuite, en instruise d'autres. Sans ça, nos sentiments sont trop forts. On est trop astral. On se le permettra pas. Ça n'a pas de bon sens.

que de coller par sa propre volonté. Puis ça, c'est sa propre volonté qui fait ça. C'est pas la volonté de l'intelligence. Ben, c'est certain que si la volonté de l'intelligence arrive à faire comprendre ça, fait quelque chose. Oui, mais que la propre volonté lie mon esprit à mon corps physique, moi, la sphère va prendre le dessus de vous. Dans l'expérience de l'échange. À la fois, mon mec. Mon Dieu, il est pas assez matérialisé, le pangon dans l'astral. Alors, on ne met pas ça dans les airs. Et c'est très important, le travail de l'homme matériel. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère dans leur job, dans leur bureau, parce que leur petit job dans leur bureau ne demande pas assez d'énergie physique. Ils errent dans la pensée. C'est difficile, c'est plat, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont habitués de travailler avec un crayon. C'est important pour eux, pas de courir faire du jogging, parce que courir, ça peut aider pour garder l'esprit dans le corps physique, parce que si ton esprit n'est pas là, ta babouette va t'enfarger, tu vas tomber, puis tant mieux. Mais c'est important de matérialiser son action. Parce que le monde pense qu'ils sont intelligents quand ils ont beaucoup d'idées. Le monde est intelligent quand il matérialise une idée. Pas quand il a beaucoup d'idées. Il y a une personne qui me dit, tu me comprends pas, j'ai des millions d'idées. Mais en une certaine, matérialise ton idée, là je vais te respecter. Mais tant que tu as des idées dans les airs, dans ta tête, tes millions d'idées, je m'en crisse comme l'an 40. Puis l'homme n'est pas capable de matérialiser son idée. Il veut. Il veut la puissance de son émotion. C'est pas la volonté, ça. C'est la puissance de son émotion. Un avocat veut gagner sa cause. Il endort pas des nuits. Il s'en va en cours. Il travaille. Il sue. Il sait plus quoi faire. Et il tremble. C'est pas comme ça. C'est la compétence qui fait que je suis quelqu'un dans mon action matérielle. Bon, je peux parler comme ça parce que il y a du monde qui me dit, moi, j'ai pas reconnu ma vibration. J'ai pas reconnu ma vibration. Tu sais, t'as dit ça. Vous allez reconnaître votre vibration à un moment donné. Vous allez voir votre vibration, vous allez reconnaître votre vibration. Qu'est-ce que c'est que ma vibration? Qu'est-ce que c'est que ma vibration? Elle vient pas d'ailleurs, ma vibration. Faut qu'elle émerge de l'intérieur. Elle peut pas émerger de l'intérieur quand mon esprit est pogné dans les cordes de linge, accroché après les cordes de linge du plan des esprits, puis que mon corps est ailleurs. Faut au moins que la vibration passe right through de l'esprit au corps physique, first one. J'ai déjà dit dans un séminaire, j'ai dit demain, quand je parle demain, j'ai dit plus tard, vous réaliserez il y a quatre choses d'importantes dans la vie. Le toit, le travail, le vêtement et la nourriture. Le reste, c'est toute de la merde. Ça synthétise ce que tu dis. Exactement. Mais tu peux pas le réaliser, ça, tant que tu le réalises pas. Parce que quand tu le réalises, ça, tu es intelligent. Et sécure. Et sécure. Exactement. J'ai une image, à un moment donné, me montrait comment qu'on était sécurisés, nous autres, là, actuellement, dans une maudite insécurité. Mm-hmm. Par exemple, mettons un enfant, un bébé, qu'un petit enfant de 4 ans prend dans ses bras. Ça arrive que les petits frères de 4 ans prennent leur petite soeur, le bébé tout au berceau dans ses bras. Le bébé, il se sent en sécurité dans les bras du petit gars de 4 ans. La mère qui voit ça, se sent pas en sécurité. Et la mère part, puis prend le petit bébé, puis prend elle dans ses bras. Mais nous autres, on est tous des petits bébés qui veulent être dans les bras d'un enfant de 4 ans. Parce qu'on veut être dans la sécurité, de l'illusion, qu'on va être riche, qu'on va avoir du pain à manger, parce qu'on a peur en maudit de notre plan matériel, de pas avoir de quoi manger, et surtout les conditions actuellement s'en viennent difficiles de plus en plus, puis on le voit. À partir du moment où je suis capable, moi, de contrôler mon esprit dans mes plans matériels, dans l'ici, le maintenant, je suis capable de produire ma nourriture par le fruit de mon travail. Pas besoin de gagner 100 piastres de l'heure.